Chapitre 10e, la première étape. Ainsi équipés, vêtus de confortables fourrures, les pieds au chaud, les deux aviateurs volaient dans l'air vif, poussés par le vent du nord-est, grâce auquel ils atteignaient sans effort la vitesse de 150 km à l'heure. Leur itinéraire était Chartres, Mayenne, Mamers, Rennes, Pontivy et Quimper. Une boussole était fixée entre deux et sans patience avait déplié une carte sur ses genoux. C'était lui qui contrôlait la route, que son ami suivait à l'estime à l'aide de la boussole. Cette route, du reste, figurait une ligne allant nettement de l'est à l'ouest. À peine fallait-il obliquer un peu vers le sud. Dans ces conditions, un enfant aurait pu piloter l'appareil sans déviation, surtout par ce temps clair qui ne mettait aucune brume dans l'atmosphère. Sur le chemin idéal qu'il devait suivre, les reliefs du sol étaient rares et de faible amplitude. La carte ne leur montrait guère à survoler que les collines du Perche, les collines du Maine et les premiers contreforts du massif du Méné en Bretagne. Aussi l'ingénieur n'avait-il pas jugé à propos de s'élever au-dessus de 600 mètres et il était décidé à s'en tenir à cette altitude. Ils rangèrent Chartres une demi-heure à peine après leur départ. De cette ville, ils ne distinguaient rien, car ils la laissèrent à quelques kilomètres au nord. Puis ce fut Mamers et Mayenne qu'ils survolèrent à faible hauteur, par pure coquetterie, afin de pouvoir se faire admirer des habitants. Chose étrange, sans patience n'avait pas encore dit un mot depuis le départ. Il ne bougeait pas plus qu'il ne parlait. C'est que l'impression qu'il ressentait n'avait rien de comparable à tout ce qu'il avait éprouvé jusqu'à ce jour. Ce mode de locomotion si nouveau pour lui avait un charme intense et troublant. C'était une sensation de légèreté et de vitesse, sans un chaos, sans un heurt, avec seulement le léger roulis des grandes ailes qui semblait un lambercement. Et il lui venait un prodigieux dédain pour ceux qui, sous lui, en étaient réduits à cheminer collés à la terre par l'inexorable loi de la pesanteur. Et dans la griserie que faisait monter à son cerveau l'air pur des hauteurs, il revoyait la jolie figure un peu maigre et les larges et candides yeux gris de celle qui avait mis dans sa vie un premier sourire. Que n'avait-elle pu les accompagner pour goûter avec eux les fortes et sereines émotions de ce voyage aérien? Sans patience, passa la main sur son front pour chasser la vision troublante et se secoua en se proférant à lui-même « Idiot !»« Un accès ?» interrogea tranquillement l'ingénieur. « Bouh, fichez-moi la paix !» cria sans patience, déjà tout hérissé. L'autre se mit à rire. « C'est que, voyez-vous, ici nous sommes dans un état d'équilibre plutôt instable. » « Mettez-vous en colère, mais soyez avare de vos mouvements, c'est plus prudent. » Sans patience serra les poings, son visage s'empourpra, et il fit un mouvement comme pour se lever. Mais tout à coup il se mit à rire. « Vous avez raison, mon ami. Décidément, je crois que je ne me corrigerai jamais. »« mais si, » affirma l'ingénieur. « Je vous assure que depuis quelque temps, vous êtes déjà changé. Vous n'avez plus guère que 2 ou 3 crises par jour. Encore sont-elles moins violentes qu'autrefois. » « Vrai, » fit sans patience, ne sachant si son ami raillait ou parlait sérieusement. « Tout ce qu'il y a de plus vrai. Mais au fond, je me demande quel intérêt vous pouvez avoir à changer de caractère. »« Quel intérêt ?» s'écria sans patience. « Mais vous ne savez donc pas ?» Il s'arrêta brusquement. Il avait été sur le point de lâcher son secret. Et quelle gorge chaude aurait fait l'ingénieur en apprenant que ce hérisson de sans patience devenait sentimental. « Sachez seulement, » dit-il en se rattrapant, « que je donnerais 10 ans de ma vie pour ressembler par le caractère au commun des mortels. »« Vous y perdriez, mon cher, » répondit sérieusement l'ingénieur, qui était misanthrope à 16 heures. « Il n'est déjà pas si joli, le commun des mortels, et tout hérisson que vous soyez, je vous préfère 100 fois à beaucoup de gens aimables que je connais. Et pour rompre les chiens. Mais que dites-vous du début de notre voyage ?» « Tous mes compliments, mon cher. Jamais je n'oublierai ces premières impressions. J'étais loin de me douter que la navigation aérienne me réserverait des sensations aussi neuves. Il faut vous dire aussi que, pour un néophyte, vous êtes privilégié. Vos impressions eussent été certainement moins nettes et surtout moins agréables à bord d'un appareil ordinaire où l'on est secoué sans douceur pour peu que le vent soit grand et assourdi par le sifflement de l'air et la pétarade du moteur. Tout de même, le bruit fait par votre moteur est presque nul. Cela se comprend. Je ne sais pas si vous êtes bien rendu compte de la différence qui existe entre les deux systèmes. Tous les moteurs à explosion, qu'ils servent aux automobiles ou aux aéros, se ressemblent quant à leur principe. Ils consistent en un ou plusieurs cylindres dans lesquels se meut un piston poussé par l'explosion de gaz carburé préalablement introduit dans ce cylindre. Ce piston est violemment chassé, et à peine son mouvement a-t-il eu lieu dans un sens, qu'il est obligé de commencer un autre mouvement dans le sens opposé. Cette brusque transformation d'impulsion se traduit d'abord par une perte d'énergie qui n'est pas nulle, et surtout par d'inévitables à-coups qui fatiguent énormément l'ensemble du système. D'autant plus, remarquez-le bien, que sur les quatre temps des moteurs à explosion, il n'y a qu'un moteur. Les autres servent successivement à l'expulsion des gaz brûlés, puis à l'introduction de la cylindrée de carburant et enfin à la compression. « Je sais, » fit simplement sans patience, qui suivait attentivement les explications de son ami. « Or, dans mon moteur à moi, le mouvement est originellement circulaire. J'avais primitivement cherché à réduire à deux le nombre des temps. Mais je crois que c'est là un perfectionnement qui ne sera jamais pratique. Je me suis donc rabattu sur la conception dont vous voyez la réalisation sous vos yeux. C'est, si j'ai bien compris, une sorte de turbine. Ce qui prouve que, au contraire, vous n'avez pas compris. Car ne l'oubliez pas, dans une turbine, qu'elle soit hydraulique ou à vapeur, ce n'est pas la pression qu'on utilise comme facteur d'énergie, mais la vitesse des molécules liquides ou gazeuses. Or, dans mon moteur à moi, c'est la pression qui est utilisée. Vous saisissez la différence? Je commence. Le principe est du reste le même, à part le mode de transformation du mouvement que celui des autres moteurs. C'est la pression fournie par l'inflammation d'une masse gazeuse, préalablement introduite en vase clos, qui agit sur une paroi mobile de ce vase. J'ai remplacé le cylindre par cette sorte de grosse lentille convexe que vous voyez, et le piston par deux palettes robustes qui se meuvent à l'intérieur de cette lentille et montées sur un axe qui est en fait l'arbre du système. C'est la pression exercée successivement sur chacune de ces palettes par l'explosion de la masse gazeuse qui produit le mouvement, et ce mouvement même expulse automatiquement les gaz brûlés. Vous dire comment je suis arrivé à ce résultat, ce serait trop long. Qu'il vous suffise de le constater. Toute l'énergie utilisée, aucun à-coup ni trépidation, perte réduite de calories, très peu de bruit, et possibilité de la mise en marche automatique obtenue par le seul fait de la mise de contact. « Je constate et j'admire, » répondit simplement sans patience. « Il eût été vraiment dommage de ne pas donner à votre moteur la consécration de cette randonnée sans précédent. Je l'eusse certes regretté, mais attendez la fin, mon cher, avant de me féliciter. » Nous avons encore dans les environs de 6 000 km à faire, ne l'oubliez pas. Bon, nous voilà partis. Une fois que je suis parti, moi, je ne m'arrête jamais. Il faut que j'arrive. Évidemment, on arrive toujours, dit l'ingénieur en riant. Mais cela dépend comment. Quant à nous, nous avons le choix. Si nous n'arrivons pas au-dessus de l'océan, nous arriverons dessus. Ou dedans, fit sans patience avec simplicité. Mais dites-moi, vous avez l'air d'être très à l'aise à votre volant de direction. Moi qui, après les quelques leçons que vous m'avez données, me figurais qu'il fallait une attention de tous les instants. C'est qu'il en est de l'appareil lui-même comme du moteur, tout y est perfectionné. Grâce au dispositif de gauchissement et d'équilibre automatique, la tâche du pilote est excessivement simplifiée. Si nous avions le vent franchement arrière, au lieu de l'avoir un peu obliquement, je pourrais mettre les deux mains dans mes poches, après avoir assuré la direction et l'altitude. Pour tout résumer d'un mot, conclut sans patience, c'est merveilleux. Et plus je vous connais, plus je vous admire, mon ami. Savez-vous que vous êtes un savant, un vrai savant? Vous exagérez, répondit tranquillement l'ingénieur. Soyez certain que, de par le monde, et en France surtout, il existe pas mal de pauvres diables dont la science égale la mienne. Mais tout le monde n'a pas la chance de tomber comme moi sur le plus ténébreux et le plus intelligent des commanditaires. Dubois, qui à sans patience dont les sourcils se froncèrent. Il n'appelait l'ingénieur par son nom que quand il se fâchait. Son ami le regarda avec placidité. « Une crise, allez-y. Aussi bien, vous n'en avez encore eu qu'une ce matin. » Mais décidément, sans patience commençait à s'amender sérieusement, car il se mit à rire, sans dévider son habituel chapelet d'imprécations. Je devrais vous rappeler à l'ordre, continua l'ingénieur. Vous êtes observateur, ne l'oubliez pas. Or, je parierais que vous avez laissé passer Rennes et Pontivy sans les signaler. Car devant nous, un peu à gauche, voici une ville qui me semble être Quimper, si j'en crois ma boussole et mon indicateur de vitesse. Du reste, voyez, à notre gauche, assez loin, cette sorte de ligne grise, c'est l'océan. Déjà, dit sans patience, impressionné. N'oubliez pas qu'il est 9h35. Parti un peu après 7h, nous avons fait du 150 à l'heure. C'est bien notre compte. Mais ne regardez pas tant au sud. Nous avons le temps de contempler l'eau. Vous la verrez de plus près avant qu'il soit peu et plus longtemps peut-être que vous le voudrez. Cherchez plutôt un terrain d'atterrissage, car je vais descendre. Alors, dit sans patience, en consultant la carte, puis en regardant sous lui, alors inutile de survoler la ville. Nous pourrons descendre avant de l'atteindre à proximité des faubourgs. Déjà, l'ingénieur avait arrêté son moteur et descendait en vol plané. À droite, dans le lointain, on distinguait les premiers contreforts des montagnes noires. À gauche, une étroite baie, et devant eux, presque sous leurs pieds, la ville et les deux rubans d'argent de l'Audet et du Ster. Armé de sa lorgnette, sans patience découvrit à une centaine de mètres de la ligne ferrée et près des faubourgs, une sorte de lande qu'il indiqua au pilote. Et 2 minutes plus tard, le grand oiseau aux ailes obliques atterrissait sans accident après avoir roulé une vingtaine de mètres sur un sol inégal. Encore un perfectionnement à trouver, dit sans patience, le moyen d'atterrir et de s'envoler sur place. J'ai déjà songé, répondit l'ingénieur en sautant à terre. Et regardant l'heure à son chronomètre qui marquait 9h40, 400 km en un peu plus de 2h30, décidément je ne veux plus voyager qu'en aéroplane.